plus que les souvenirs dans ma mémoire pour recoller les morceaux. J'ai déplié la toile mais je suis bloqué la main sur le pinceau. Assis tout seul, je me mords les doigts, je me dis que parfois j'étais trop perso. Que ton cœur me pardonne si souvent tu te sentais hyper. Dès que j'y pense, ça me prend la tête. Dès que j'y pense, je me sens étouffé. C'est quand je te sens que j'entends la terre m'indiquer le chemin pour te retrouver. Tellement d'images qui me reviennent, ce qu'on a vécu c'était si dur. T'as tellement crié tes peines que je connais ta tessiture. Tellement d'images qui me remontent, ce qu'on a vécu c'était si beau. Avec toi c'était un autre monde et je n'ai même pas vu les signaux. C'est allé si vite, je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passe vraiment. Une chose est sûre, c'est qu'on a tout vécu passionnément. Malgré quelques détours, et même si ma mémoire me joue des tours, je sais bien qu'on va se revoir, malgré quelques détours. Et même si ma mémoire me joue des tours, je sais bien qu'on va se revoir. Au revoir. Tous les conflits entre nous, c'est le plus grand de tous mes regrets. Et quand il y a de l'amour, il y a forcément du rejet. J'ai parlé à ton âme, ou alors c'était ton reflet. Ad vitam aeternam, nos âmes sont reliées. La vie fait son effet, mais s'il est sans fin, l'effet meurt. Dans l'éternité, je ressens que tout est éphémère. J'ai besoin de toi, mais quand je te vois, ce n'est pas net. J'entends tes signes, je les vois, je veux te rejoindre sur ta planète. J'aurais dû, j'aurais voulu, y'a toujours ces phrases qui me hantent. Je te parle avec ma plume, tu me parles avec les étoiles filantes. Ton regard est dans ma mémoire, il apparaît tel un flash. Je ne te sens pas loin de moi, ni moi, où c'est que tu te caches. Je ne me doutais pas que tant de fois, je prierais pour entendre ta voix. Entendre ton rire et tes conseils, aucun doute sur le fait qu'on s'aime. T'es avec moi, tous mes concerts, dans nos bras, j'aimerais qu'on serre. Malgré quelques détours, et même si ma mémoire